C'est intéressant puisque la semaine dernière, nous avons parlé de la mort et cette capacité d'accueillir l'impermanence, ce qui naît, ce qui se maintient et ce qui se termine. Le cycle en toute chose, pas forcément la mort d'un être humain, mais le cycle en toute chose, hein. La renaissance à chaque instant. La conférence de la semaine dernière a introduit énormément cette piste de réflexion de ce soir, puisque nous sommes confrontés à nous-mêmes à chaque instant. Nous sommes cet illusionniste qui créons à chaque instant des montagnes de matière transparente, puisque ce ne sont que des conceptions, des pensées, des projections, hein, qui vont soit donner de la joie, soit donner de la souffrance. Qui en plus tout ça conditionné par un siècle de psychologie très occidentale à travers toutes les raisons possibles et inimaginables du pourquoi aujourd'hui ceci devient un obstacle dans ma vie. Alors, nous sommes effectivement tous par essence des créateurs, puisque nous sommes tous en possession d'objets que nous assemblons, d'objets qui existent déjà, hein, comme des mots, des lettres, de la matière, et que nous assemblons à chaque instant. Donc, avec nos lettres de l'alphabet, avec 7 notes de musique, et nous sommes capables de créer une infinité de pensées, de mots, de choses, d'objets. Et ça n'a de cesse, puisque à chaque fois que l'on crée quelque chose, il suffit que je rajoute une goutte d'un autre chose, pour que ça y est, ce soit une nouvelle création. Alors imaginez un peu le champ de la conscience infini. Alors jusque-là, l'histoire est très belle. Jusque-là, c'est très simple. Et nous sommes tous cela. C'est-à-dire que nous avons tous cette capacité de créer. Maintenant, la question, c'est pourquoi ce que je crée me fait souffrir? Pourquoi je ne me contente pas de ce que je crée, je dois en plus me projeter dans d'autres choses, d'autres créations, avant même d'expérimenter ce que je viens de créer. Et ce que je viens de créer vient faire écho à une forme de confort que je recherche, puisqu'on va l'appeler bonheur, on va l'appeler joie, on va l'appeler comme on veut. Personnellement, j'aime bien l'appeler confort. Cette recherche de confort qui, dès que ma création m'amène dans l'inconfort, je souffre. Alors, quand je parle de ma création, c'est-à-dire que je suis là où je suis, c'est pas que je l'ai décidé, c'est que c'est le fruit de la causalité. Une des 6 illusions racines de l'ego, hein, c'est l'illusion, l'ignorance de la causalité, de la cause et de la conséquence. Donc c'est intéressant de faire les liens avec tout ça. Alors je vais essayer de pas aller trop vite et de rester simple, ce qui n'est pas évident dans ce domaine. Mais à partir du moment où je prends conscience de cette causalité, je prends conscience que je suis ici parce que c'est le fruit d'une accumulation d'actions et de réactions depuis des millénaires. Donc c'est pas que j'ai choisi vraiment d'être ici. Mais ce ici, s'il ne répond pas à mes exigences, il m'amène de l'inconfort. Et pourtant, je l'ai voulu, hein, cette voiture rouge, hein. J'ai travaillé des années pour me l'offrir, cette voiture rouge. Et là, il y en a un, il vient de me rentrer dedans, là. Zut. Alors là, ça y est, ma voiture rouge, elle est abîmée. Ou alors, j'ai tellement roulé avec ma voiture rouge que maintenant, il m'en faut une bleue. Ça y est, la rouge, j'en veux plus. Alors que je l'ai tellement voulu et aimé que maintenant j'en veux plus. Il me faut une bleue. Donc je ne cesse, ça c'est pour vous expliquer le côté créateur, je ne cesse de créer des manifestations qui m'amènent à des points stratégiques de mon existence. Et là, je reviens sur ce concept duel où je suis responsable de mes souffrances. Je crée mes souffrances à chaque instant. Donc comprenez, déjà il est important pour pour comprendre l'ouverture nécessaire à aller vers la dissolution de ses souffrances, il est déjà important de se rencontrer soi-même, de rencontrer son propre ego, ses propres dualités, ses propres contractions, d'être pleinement conscient, mais pas juste un peu, d'être pleinement conscient que je suis moi-même le créateur de mes contractions, quoi qu'il se passe à l'extérieur, et qu'à partir de là, tout ce qui m'amène, toutes mes créations qui m'amènent de l'inconfort, jusqu'à recevoir une facture dans ma boîte aux lettres, hein, alors que j'ai pas une thune sur mon compte en banque, mais cette facture, c'est bien la conséquence de quelque chose que j'ai créé quelque part, en tout cas qui me concerne. Et donc, cet obstacle-là va m'amener tout un tas de manifestations internes que l'on va appeler les afflictions mentales, ceux qui suivent le parcours introspectif, hein, à partir d'un certain module, dans la deuxième partie, vont rencontrer des afflictions mentales. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant de savoir que je ne suis absolument pas dans la fluidité de ma vie, puisque je suis toujours dans des projections, des interprétations, des créations, hein, à partir d'objets que j'ai déjà, donc à partir de mon expérience de vie. Ce sont les objets qui sont déjà en moi, mais qui ne me contentent pas ou qui ne me contentent plus, alors je me dois de créer autre chose. Forcément, en créant autre chose, il y a cette notion de désir, hein, aussi une autre illusion racine de l'ego, c'est de considérer tous les objets comme étant source de plaisir. À partir de là, je vais aussi orienter mes créations, mes conceptions, vers cette notion de désir-plaisir, hein, qui, en fait, est de la souffrance. Alors, vous voyez, il y a tout un tas de plans qui commencent à se dessiner. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et c'est là où je fais le lien avec l'introduction de la semaine dernière de la mort. Il y a des peurs à l'intérieur. Il y a des peurs conscientes et des peurs inconscientes. Et donc, ça vient faire écho à toutes ces peurs. D'une façon ou d'une autre, ça fait écho à toutes ces peurs. Et parce qu'il y a des peurs derrière, la peur du devenir, la peur de mourir, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas aimer, d'être pas être reconnu, etc., etc. Alors forcément, ce qui se présente devant, en tant que création devant mon mental, va devenir ou pas un obstacle, une contraction à gérer. Alors, il y a des contractions qui sont très subites, hein, spontanées, hein, comme ouvrir sa boîte aux lettres, recevoir voilà une mauvaise nouvelle, bon, bah c'est OK, hein, on la gère. Et puis, il y a des contractions qui sont beaucoup plus vicieuses, qui sont liées à son physique, qui sont liées à son mental, qui sont liées à l'éducation, qui sont liées à son compagnon ou sa compagne, etc., etc., donc à notre environnement. Mais peu importe, puisque c'est nous-mêmes intérieurement qui nous créons tout ça. Donc, peu importe d'où ça vient, au final, l'obstacle ou l'épreuve de la vie, eh ben, je la considère comme une épreuve parce que je ne suis pas prêt à l'accueillir. Je ne suis pas dans cette fluidité. Je suis dans mes afflictions, je suis dans mon ego, dans mon orgueil, je suis dans cette quête du confort, dans cette quête de donner un sens à mon existence. Et tout ceci est très humain. Seulement, si vous réfléchissez un petit peu à tout ceci, hein, c'est pas pour porter un jugement, bien entendu, il y aurait aucun intérêt à cela. C'est juste que vous puissiez réfléchir qu'effectivement, vous êtes la source, vous êtes votre propre source de joie ou de souffrance, d'accueil ou de non-accueil, d'attachement ou de non-attachement. Il n'y a rien à l'extérieur qui peut venir conditionner cela. Il n'y a que votre propre perception, votre propre expérience à être capable de lâcher d'aller vers cette non-dualité qui va faire que cette énergie même, parce que c'est une énergie, hein, cette énergie même que créent les afflictions mentales, cette même énergie va disparaître. Pourquoi ? Parce que vous aurez complètement accueilli le concept. En fait, vous aurez entraîné votre esprit à voir la vie différemment, à ne pas donner d'importance aux choses extérieures, à ne plus vous attacher, à ne plus vous identifier. Ce qui fait qu'en fait, même s'il y a une montagne devant vous, ce n'est qu'une montagne. C'est tout. Bon, bah, on la gravit, puis on passe de l'autre côté. Et tout va bien. Seulement, pendant que je gravis ma montagne, je n'ai pas intérêt à m'imaginer que derrière, il y a le lagon qui m'attend avec les palmiers, les noix de coco. Non, parce que sans doute, derrière une montagne, il y a encore une autre montagne. Il peut y en avoir plein comme ça, des montagnes. Donc, si j'attends quelque chose, forcément, je vais souffrir. Je vais pouvoir faire une fois un effort insurmontable, je vais le surmonter. Deux fois. La troisième fois, là, ça va pas là. Là, j'ai pas de chance dans la vie. Là, il y a quelque chose qui va pas. Non. Alors, la quatrième fois, je m'écroule. J'arrête tout. Pourquoi ? Parce que dans notre conception de la vie, nous attendons quelque chose. Nous sommes en quête de quelque chose. Mais en fait, ce quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. On n'en a aucune idée. On va l'appeler bonheur, on va l'appeler... Mais on ne sait pas ce que c'est que le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui pousse dans les arbres. Le bonheur, c'est une conception de quelque chose qui n'existe pas, comme la souffrance. Donc, on est toujours en quête de quelque chose, sans savoir quoi ni où aller le chercher. Ce serait facile, là, que quelqu'un, là, vous dise tout de suite, bah, voilà, tu veux trouver le bonheur. Bah, tu prends la deuxième à droite, tu vas tout droit, tu marches pendant 10 minutes, et là, tu vas trouver le bonheur. Mais en fait, il y aurait 9 milliards d'humains qui seraient agglutinés ici, là. Ça prouve bien que le bonheur, il n'est pas là. Il ne peut pas être là. Il ne peut pas exister sous cette forme-là, le bonheur. Et comme nous sommes toujours en quête de ce bonheur, mais que nous ne le trouvons pas, puisqu'il n'est pas, il n'est pas défini en nous, alors forcément, dès qu'il y a une épine, quelque chose qui vient bousculer cette quête du bonheur, donc du confort, cela crée de la contraction. On appelle cela des épreuves, les épreuves de la vie, hein, qui passent par la simple contraction émotionnelle jusqu'à un deuil, bien entendu. Mais nous ne sommes pas préparés parce que nous sommes toujours en quête et au fond de nous, il y a la peur. Alors, ça fait beaucoup de critères à résoudre. Ça demande d'avoir un esprit préparé, hein, à lâcher certaines conceptions. Mais déjà, ce qui est important, c'est de comprendre cela. Là, j'aimerais juste vous faire passer un message à travers ces pistes de réflexion. C'est d'essayer de réfléchir sur cette conception de création, d'assemblage qui fait que nous créons nos souffrances. Nous assemblons des éléments qui, au final, nous font souffrir parce que j'ai des croyances limitantes, je pense que ceci, je pense que c'est mieux comme ça, et je suis pas d'accord avec toi, et ça crée de la colère, et ça crée tout un tas de choses. Tout ça parce que j'ai cette envie d'exister, mon ego, il est là, il est fort, il est puissant, il veut prouver au monde entier qu'il a raison, que c'est lui le plus fort, voire à l'inverse, dans un introvertisme le plus total. Il s'efface complètement, mais quels que soient les opposés, c'est toujours le même mécanisme. Donc il y a dans notre pensée occidentale un empêchement à la réalisation. Ça, c'est pas de notre faute, hein. C'est pas de la vôtre, c'est pas de la mienne. On est né ici, là, comme ça. Donc, sous cette forme-là, à cette époque-là, voilà, c'est notre incarnation du moment. Donc, il est bon de l'accueillir et d'accueillir tous les paramètres qui vont avec. Hein? Maintenant, si vous vous rapprochez un peu plus de certaines pensées orientales, vous allez avoir des repères qui vont vous permettre des ouvertures magnifiques. Et justement, cette ouverture vers la non-dualité qu'on enseigne aussi dans le parcours introspectif. Donc ça, c'est une aide précieuse, un peu comme une option, hein, un peu comme voilà, une option supplémentaire dans votre quotidien, de pouvoir relativiser à travers cette non-dualité, à travers l'accueil. Donc c'est un entraînement, bien entendu, hein, vous devez pratiquer ça. Hein. Et donc à partir de cet accueil, je vais pouvoir relativiser l'importance que je me donne à moi-même et l'importance que je donne à mes créations. Hein. Est-ce que vous avez bien compris quand j'emploie le mot « mes créations » ? Ce sont tous mes assemblages qui font qu'à chaque instant, ben voilà, je vais m'habiller comme ceci, je vais me coiffer comme cela, et tout ça n'est le fruit que de la causalité. Donc si je m'habille comme ceci, c'est que je veux être représenté comme ceci, et si je veux être représenté comme ceci, c'est parce que derrière il y a une intention de plaire, de ceci, de cela. Donc voyez un petit peu comme tout est lié. Et je crée tout ça de façon consciente et de façon inconsciente. Alors, c'est pas pour porter un jugement, c'est pour comprendre, là encore, les mécanismes. Et parce que je comprends ma propre mécanique, je peux interagir dessus. C'est-à-dire que je peux partir en voyage. Si je décide demain de faire un tour du monde, je prends mon vieux 4x4, là, et je vais faire des cours de mécanique. Je vais amener des pièces de rechange et je vais partir tranquille. Je vais pas avoir peur de tomber en panne quelque part et de me retrouver là, fini mon tour du monde. Non. Parce que j'ai des outils, parce que j'ai appris la mécanique, je peux interagir sur mon moteur. C'est la même analogie, c'est pareil. Et ça, c'est important. C'est important puisque dans la projection de cette quête de l'illusion, enfin du bonheur, on va dire ça, et du confort, en cherchant un but à son existence, alors je vais commencer par me représenter à travers le travail, à travers le conjoint ou la conjointe, la maison qu'on a achetée. Enfin, je vais trouver tout un tas de stratégies à lesquelles je vais m'identifier pour donner un sens à ma vie. Mais tout ça n'est que pure illusion. Hein. Ça n'empêche pas les gens de se séparer, ça n'empêche pas de tout perdre, ça n'empêche pas d'être malheureux, même en ayant tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a le non-accueil du « ici et maintenant ». Il y a le non-accueil de cet ego qui est duel. Donc, c'est intéressant de commencer par sourire. c'est bien de sourire. Quand je crée quelque chose, je me souris à moi-même. C'est-à-dire que j'arrête maintenant de me donner de l'importance. Voilà, parce que j'ai compris que si je me regarde du point de vue de la totalité, donc de l'interdépendance, je suis incapable de me définir tellement je suis microscopique. Voilà. Et pourtant, il y a 40 ans ou 49 ans en arrière, quand 49 ans en arrière quand je suis né, voilà, j'étais pas capable de me définir non plus. Et puis à 20 ans, je me trouvais le plus beau du monde. Et aujourd'hui, j'arrive même à me faire peur. Alors vous voyez comme quoi, et pourtant c'est la même personne. Donc en fait, on ne sait jamais ce qu'on veut. On ne sait jamais qui on est. Et pourtant, on est toujours la même personne. Mais on change tout le temps, on évolue tout le temps. Donc si je lâche pas ces concepts, parce que je vais vers la vieillesse, parce que je change, parce que ma peau elle change, parce que mes organes vieillissent, parce que tout un tas de choses. Donc si je lâche pas tous ces concepts que je me crée, toutes mes illusions, je vais souffrir toute ma vie. Et plus je vais vieillir, et plus ça va être dur, parce que de toute façon, si j'apprends pas à accueillir, je suis foutu. Donc c'est intéressant, parce que en commençant par ma propre personne, en accueillant le lâcher prise, forcément les obstacles de la vie, la conséquence, ça va être simple derrière. Je vous raconte pas tout ça juste pour faire une morale, c'est juste pour que vous compreniez la mécanique, c'est-à-dire que je m'entraîne sur mon moi. Et comme je m'entraîne sur mon moi, tout ce qui est à l'extérieur qui pourrait, dans l'illusion de mes pensées, me créer une contraction, c'est-à-dire un obstacle dans la vie, une épreuve, comme on les appelle, ben au final, je vais être habitué au lâcher prise et je ne vais pas la définir de la même façon. Lorsqu'on est face à un deuil, dans ce concept non-duel, le deuil est dans un premier temps complètement accueilli. Ce qui n'empêche pas après, c'est-à-dire qu'une fois que l'esprit, que le cerveau, que l'organe mental a validé le fait que la personne n'était plus vivante, voilà, il n'y aurait plus de rapport avec elle, il n'y aurait plus d'échange, enfin pas sous cette forme-là en tout cas. Après, une fois que ça s'est accueilli, après, il y a le temps justement derrière de couper, de lâcher les liens d'attachement. Mais il n'y a pas d'identification directe à la souffrance par rapport à l'attachement que cela crée. Donc il y a d'abord l'accueil de cette réalisation, de cet état, et ensuite la gestion des émotions. Mais ça se fait très calmement. Nous ne sommes pas comme en Occident, nous ne sommes pas habitués à ça. En Occident, on s'identifie pleinement à l'événement. Il y a quelque chose qui me contracte, ça y est, je deviens la contraction. Il n'y a pas cette place à l'observation, il n'y a pas ce recul nécessaire pour accueillir, observer et mettre de la distance. Hein? Si vous avez une odeur nauséabonde sous le nez, qui n'est pas agréable du tout, vous faites un pas de retrait déjà, c'est plus aussi fort. Vous faites 100 mètres, vous la sentez plus. C'est pareil pour les émotions. Il y a un obstacle dans la vie qui arrive. Alors, soit vous êtes complètement dans l'ignorance de ces mécanismes et vous plongez dedans, et là, c'est la souffrance assurée. Soit vous arrivez à mettre de la distance, c'est-à-dire à observer avant d'agir dedans et de s'identifier. J'observe, je mets 100 mètres, je mets 1000 mètres. Et j'observe cette manifestation hein, qui est en moi, mais je l'observe et je l'accueille. Et à partir de là, vous allez voir que la souffrance, elle va être dissoute tout de suite. Un peu comme quand vous regardez un film au cinéma, c'est pareil. Vous n'êtes pas l'acteur. Et pourtant, vous rentrez pleinement dans le scénario, dans le film. Ça vous arrive même de pleurer ou de rire ou de vous identifier pleinement au scénario. C'est exactement ça. Nous vivons ça en permanence. Nous sommes nous-mêmes dans le champ de notre conscience à la fois la scène, l'acteur, le réalisateur, le spectateur. Nous sommes tout cela en même temps. C'est juste à nous de faire les bons réglages pour mettre en place cette mécanique et mettre de la distance avec les événements, de ne pas s'identifier. Et ça demande de la souplesse. C'est bien la souplesse corporelle, c'est important, je vous la conseille pleinement. Faites du yoga, soyez souple, c'est très important. Mais la souplesse neuronale, la souplesse du mental est tout aussi importante. Parce que c'est elle qui va vous permettre justement les changements. Une personne qui n'est pas souple, on dit qu'elle est rigide. Un corps qui n'est pas souple, on dit qu'il est rigide, qu'il est raide. Là, c'est pareil. Et la rigidité, elle ne permet pas de fléchir, donc de prendre une autre orientation. Elle est comme ça. Mais au premier choc, elle va peut-être résister. Le deuxième, de par sa rigidité, elle va casser. Alors que quelqu'un qui va être habitué à cette souplesse, à relativiser, à s'adapter, va pouvoir suivre le mouvement de la vie, de l'existence, hein, et trouver la fluidité, voilà, en accueillant. Et là, ça va passer tout seul. Donc, ce qui est intéressant, c'est de lâcher sa propre identification. Et ce n'est pas simple. Ça demande de la méditation, ça demande du temps, ça demande de comprendre tous ces mécanismes. Hein? C'est pas simple d'accueillir un obstacle, un événement qui, par nature, n'est pas là pour vous faire souffrir. L'événement, il est. Point. Il y a ce que votre nature va en faire en tant que miroir de l'événement. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que si vous apprenez à observer ce jeu de miroir avec ce qui se passe, donc la manifestation qui se passe en vous, que vous créez, donc de votre création, si vous arrivez à observer votre création, bah parfois vous allez pouvoir en rire, en disant mais ça va pas bien, non? Je suis en train de me faire du mal pour rien là. Et puis parfois vous allez tomber dans la sublimation en disant mais c'est magnifique ce que je viens de créer, c'est superbe. Voilà. Ça peut servir à l'humanité, ça peut servir à quelqu'un, c'est là pour aider, c'est là pour... Waouh, formidable. Là où ça commence à faire mal tout le temps, c'est quand je réalise des objets qui sont liés qu'à mon propre moi et qui sont orientés vers mon moi, pour moi seul, pour me faire plaisir, me faire du bien, la notion de désir, plaisir, souffrance. Et là, effectivement, il n'y a pas d'envergure au-delà du moi. Donc, c'est très contracté tout ça. Donc, il n'y a pas de recette miracle sur la façon d'accueillir les obstacles et les épreuves de la vie. Il y a une magnifique recette sur la façon de s'accueillir soi-même. Et à partir du moment où je prends cet accueil avec le bon angle, avec la bonne vibration, bah, tout le reste est accueilli par conséquent. C'est la causalité. Donc, tant que je suis dans mes contractions, tant que je suis dans mes croyances limitantes, tant que je suis dans ce que j'appelle le moi, l'ego, bah je subis les conséquences de ça. C'est la causalité, encore une fois. N'oubliez pas, la causalité, c'est quoi? Cause-conséquence. Donc la conséquence de la fluidité, ça ne peut être que la fluidité. La conséquence de la contraction ne peut être que contraction. Donc petit à petit, la contraction va s'atténuer parce que je vais y injecter des graines dans ma création, des graines de compréhension, de joie, jusqu'à la prochaine. Tant que je n'ai pas trouvé cette fluidité, ça va se reproduire encore et encore, puisque n'oubliez pas que tout est impermanent. La fluidité n'est pas permanente. C'est une accumulation d'actions et de réactions fluides qui fait que, dans le long terme, on aura trouvé une stabilité. Mais si j'arrête d'alimenter cette fluidité, elle va redevenir contraction. Donc, on en déduit que c'est une philosophie de vie, un art de vivre, une capacité à transcender ses limitations, son ego. Et à partir de là, je m'ouvre. C'est l'ouverture de cœur. Alors c'est toujours mieux de trouver un but plus grand que soi, quelque part, une orientation, se mettre au service de quelque chose, se mettre au service de... pour pouvoir justement aider, dans le but d'aider, de donner un peu de soi aux autres. Et vous allez voir que ça va faire beaucoup de bien. Alors, bien sûr... Je parle d'une vraie aide, hein, une aide de cœur où on va y mettre du temps, de l'énergie, hein, ça c'est important, hein. Apprenez à lisser, apprenez à fluidifier. Hein. Une pâte à crêpes avec plein de grumeaux, bah, la conséquence c'est que quand vous faites cuire vos crêpes et que vous les mangez après, vous mangez de la farine par moment. C'est pas très agréable. C'est l'absence de fluidité, c'est pareil. Hein, vous vivez votre vie, ça va parce que vous êtes dans une situation pour certains plus ou moins stable, avec des moyens, avec une bonne santé, Pour d'autres, c'est moins comme ça. Pour d'autres, c'est plus comme ça. Mais à un moment donné, vous mangez quand même votre farine. Quelle que soit la circonstance dans laquelle vous vivez. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, il y a pas cette ouverture de cœur sur la non-dualité, sur la non-égoïté. Donc au final, les obstacles de la vie n'existent pas. Tout comme la souffrance n'existe pas. Et c'est là où ça devient intéressant, sur le plan de la réflexion, de pouvoir essayer de transcender l'ego qui dit, bah si, pourtant, des épreuves, j'en ai vécu un paquet. Oui, mais parce que tu les as considérées comme des épreuves. C'est parce qu'elles sont venues heurter ton confort, elles sont venues heurter ta quête du bonheur. Et ce n'est que toi, parce que la même action pour quelqu'un d'autre, ça veut rien dire. Donc, ça veut bien dire que c'est toi qui te crées ta propre contraction, à travers ta propre vision. Et comme tu as une vision qui est limitée, avec des œillères, bah forcément, c'est très difficile de lâcher ça. Donc, nous sommes tous là-dessus, sur ce même radeau, en train d'essayer de comprendre, de mettre en place des stratégies. Non. Lâchons les stratégies. Il est important de lâcher toutes les stratégies. Et ce n'est pas évident, ça demande de l'entraînement. Déjà d'accueillir cela, de le comprendre, de l'expérimenter avec le temps. Et mettez ça en gros. Vous voyez, quand le prochain obstacle, la prochaine contrariété que vous vivez, hein, c'est ça les obstacles de la vie. Hein. C'est l'absence de fluidité, c'est-à-dire que je cherche le calme, l'harmonie, la paix, le bonheur, la joie, tout ce que vous voulez. Et puis voilà, je reçois une sale réflexion de l'autre. Et là, à l'intérieur, oh, mon ego, l'orgueil, il n'est pas content. Voilà, ça, c'est un obstacle à la vie, hein, au-delà des obstacles matériels. Bon, ben, lorsque ceci arrive, essayez justement de mettre une forme de distance, d'observer, d'analyser, non pas d'analyser la situation en disant, bah oui, mais l'autre quand même, il a exagéré de m'avoir dit ça, mais c'est parce que lui, il en est là, moi, je suis beaucoup plus évolué que lui, parce que je fais du développement personnel, l'autre, il peut pas comprendre tout ça. Voilà, ça, c'est sur toutes les stratégies. Un exemple, hein, il y en a d'autres. Donc, je lâche le jugement, je lâche mon orgueil, qui remet la faute sur l'autre ou une partie de la faute sur l'autre, parce que un orgueil un peu docile va dire non, non, mais j'assume mes responsabilités, mais cependant, néanmoins, nonobstant, on rigolait avec ça l'autre soir, hein, nonobstant, cependant, l'autre, quand même, il a exagéré un peu, quoi. Hein, donc, je ne suis pas complètement dans l'accueil. Donc, je dois valider tout ça. Je dois me détacher complètement de tout jugement. C'est-à-dire que je me mets dans ma bulle, voilà, et qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur? Comment ça interagit à l'intérieur dans mon petit cœur et dans mon cerveau? Voilà, j'oublie l'autre, j'oublie ce qui s'est passé, j'oublie que voilà, tac, ça c'est pas important. Chacun est sur son et dans son espace de sa réalité. Donc je prends l'obstacle, là, soi-disant obstacle, hein, ce qui empêche la fluidité, hein, le courant de passer. Pourquoi je me crée cela dans ma tête? Je n'oublie pas que je suis responsable de mes souffrances, que je suis le créateur de toutes mes conceptions, et que là, je suis en train de me créer à travers une causalité de la souffrance. Donc si j'arrive avec entraînement déjà à prendre conscience de ce moment-là, déjà là, c'est formidable. Et puis dans un second temps, je vais mettre de la bienveillance. Je suis dans mon ignorance. J'accueille. J'accueille mon ignorance. J'accueille ma faiblesse. J'accueille tout un tas de choses. J'accueille mes peurs. Je m'accueille comme je suis ici et maintenant. Et là, tout devient très beau. Parce qu'au final, on est quoi? Qu'est-ce qu'on est? Voilà, si quelqu'un peut me donner la définition de ce que l'on est, formidable. Alors oui, scientifiquement, nous sommes une espèce, une race d'humains, humanoïdes, qui avons telle fonction et telle fonction, ok. Mais qu'est-ce qu'on est exactement à part cela? Par rapport à quoi? Par rapport au reste? Par rapport à la totalité, on est quoi? Alors vous voyez que l'ego, il est puissant pour se définir et croire en son histoire. Et donc, à partir de ses croyances, forcément, il va rencontrer tout un tas d'obstacles parce que de toute façon, c'est très difficile de tenir l'illusion toute une vie. Et on passe toujours à côté de quelque chose qui aurait pu, dans cette quête du bonheur, nous dire, mais non, mais c'est là, voilà. Puis juste avant de mourir, ah, si j'avais su, j'aurais fait ça, je l'aurais quitté plus tôt, j'aurais fait ceci, nanana. Et pourquoi je suis resté avec cette personne-là? Et pourquoi j'ai pas quitté mon travail avant? Si j'avais su. Ben oui, mais pourquoi? Si j'avais su quoi? Il y a rien à savoir. Tant que la situation, le ici, maintenant, n'est pas accueillie, il n'y a aucune projection à faire sur quoi que ce soit, puisque la quête de l'illusion du bonheur n'est qu'une illusion du bonheur, n'est qu'une quête. Par contre, si vous êtes complètement en phase avec votre ici et maintenant, si vous êtes complètement en harmonie dans votre ici et maintenant, dans l'accueil le plus total, sans aucun jugement, là, vous allez toucher la joie. Une joie qui sera conditionnée par rien du tout. J'aurai transcendé l'obstacle. J'aurai transcendé complètement la création que je m'en suis fait, l'illusion. Et il y a quelque chose derrière tout ça qui est joie, qui est merveilleux. Alors, je vais commencer à goûter à cela. Et je me dis, waouh, mais c'est génial ça. Je suis aussi capable de me créer la joie. Sans rien faire. Juste en lâchant. En lâchant le morceau, en lâchant prise. Juste en accueillant ma dualité qui devient non-dualité. Ciao Christine. Voilà. Et c'est là où ça devient passionnant. Puisque je suis dans ma propre histoire de vie, que je deviens acteur de chaque instant, à travers une philosophie, une conception qui m'amène vers un lâcher-prise. Et quand on dit un lâcher-prise, ce n'est pas du « je m'en foutisme », ce n'est pas, on n'est pas dans des extrêmes, on est pleinement en conscience hein, et en présence du « ici et maintenant », à chaque instant, justement pour me libérer de mes souffrances, pour me libérer de mes contractions, pour que la vie ne soit plus une épreuve. À partir du moment où j'ai accueilli cette énergie de vie, l'énergie de l'affliction, l'énergie négative disparaît. Puisque nous ne sommes qu'énergie, donc c'est intéressant de parler d'énergie à ce niveau-là. Le mental agit suivant des fréquences, le cœur a d'autres fréquences, les poumons, etc. On est tous sous fréquence. Voilà, donc on va parler d'énergie, hein, l'énergie de la conscience. Donc c'est bien aussi de se définir à travers l'énergie, beaucoup plus qu'à travers le moi, qui ne veut pas dire grand-chose. Mais nous sommes une énergie, donc nous avons cette énergie, cette capacité, parce que il y a l'énergie autour de nous qui nous permet justement d'avoir l'énergie en nous, et c'est la même, hein. Et donc de me connecter à cette énergie. Et quand je suis connecté à cette énergie qui est pure, qui est juste omnisciente, qui est magnifique, qui est la nature même de notre esprit et de la totalité, à partir de là, c'est une joie qui est puissante, qui est conditionnée par rien, qui se manifeste, qui va créer, qui va tout de suite vous connecter à la foi, à l'enthousiasme, à tout un tas de vertus qui vont ouvrir l'espace de votre cœur. Donc ça, c'est passionnant d'arriver, vous voyez, dans cette conférence, on arrive à un point là où on a nos deux petits personnages qui se regardent, et puis il y a celui qui prend la voie du lâcher prise et de l'accueil, hein, et qui va rencontrer la joie, et puis il y a celui qui reste dans son ego et qui dit non, moi je préfère mes contractions. Voilà. Et je comprends pas ce qu'il dit l'autre. Hein, mais c'est OK. Et le fait d'accueillir cela, bon bah c'est ainsi pour l'instant. Voilà, donc je continue à œuvrer Et puis, je retrouve mes deux petits bonhommes là, qui sont là et qui se, hein, un peu comme l'image du petit ange et du petit diable. Bon, ben, c'est pareil, hein, c'est ça notre dualité. À un moment donné, on lâche tout ça, on arrête de s'identifier à nos créations. C'est magnifique de créer, mais ça ne nous appartient plus. Ça ne nous a même jamais appartenu puisque nous n'avons rien créé, nous n'avons fait qu'assembler. Et ce nouvel assemblage est peut-être une création, certes, mais à partir d'objets qui existent déjà dans le champ de la conscience. Donc nous sommes des assembleurs. On assemble et on dissout. On assemble et on dissout. Voilà, on a nos deux, on a notre chaînon qui est lié, on assemble et on dissout. Voilà. Et ça, c'est intéressant de méditer là-dessus. À vous de savoir maintenant, en conscience, c'est ça, être en conscience, de savoir ce que vous voulez assembler. Est-ce que je veux assembler des éléments qui sont joie, beauté, harmonie, paix, ou alors est-ce que je veux assembler des éléments qui sont contraction, souffrance, orgueil, tout ce que vous voulez, d'affliction, voilà. Qu'est-ce que vous voulez assembler? Alors, il y a les malins qui vont dire, moi, je prends un peu de chaque. Ça me va bien. Ben oui, c'est ce qu'on est déjà, un peu de chaque. Hein? Donc, voilà, c'est à chacun d'arriver à concevoir tout cela. Ce ne sont que des conceptions, là encore, ce ne sont que des assemblages, hein, mais des assemblages qui vous amènent à ne plus percevoir la vie comme étant une accumulation de joies conditionnées ou d'obstacles, d'incapacités, de peurs, de doutes, de manques, de projections, etc., etc. C'est juste le fait de pouvoir lâcher tout ça et d'être la vie qui se manifeste ici et maintenant, à chaque instant. Et tout devient beau. Tout devient simple. Fondamentalement, pas factuellement, mais fondamentalement, il n'y a aucune résistance à l'existence. L'existence est très simple. Je dois manger, je dois boire, je dois dormir. C'est très simple. Je dois lutter contre le froid, je dois lutter contre le chaud. C'est très simple. C'est pour ça qu'on a créé des maisons. Quel que soit l'environnement, il y a toujours un habitat. Un igloo, une case, une villa, un immeuble, enfin ce que vous voulez. C'est pour répondre aux besoins primaires. Mais dans notre création de l'ego, l'illusion, c'est de concevoir tous les objets comme source de plaisir. Donc du coup, la maison qui était à la base un habitat pour se protéger de l'extérieur, est devenue une source de plaisir. Donc, une source de contraction, une source de souffrance. Et ainsi de suite. Et c'est pareil pour tout. Voilà, on a voulu accélérer, donc on ne marche plus à pied, on prend maintenant l'avion, le jet, le truc, la voiture, deux voitures, un pied dans chaque voiture bientôt, et puis voilà, et on fait le tour du monde en 24 heures. Donc tout ceci n'est que la causalité, bien sûr, de cette recherche, de cette quête du confort. Donc forcément, dans cet ego qui cherche le confort, il y a toujours des obstacles à la vie, il y a toujours des incompréhensions, puisqu'il y a une quête illusoire de quelque chose que l'on ne peut accéder. Puisque tout est à l'intérieur, tout est là, pleinement là, derrière le lâcher-prise, derrière l'ego. C'est pas ailleurs, les amis. Je vous invite à chercher dans les livres, à chercher partout, à passer des vies et des vies, à vider toutes les bibliothèques de France et de Navarre et du monde entier. Il n'y aura rien dans ces livres qui sera bonheur. Je vous invite à faire le tour du monde, à aller dans tous les recoins de la planète. Il n'y aura rien dans aucun de ces recoins qui sera là, manifesté en tant que bonheur. Rien. Il y a juste là la façon dont ça vibre en vous et la façon dont vous regardez les objets qui va émettre un sentiment, qui va émettre une émotion, qui va émettre cette énergie joie. C'est tout, c'est que ça. Que vous viviez dans une maison très modeste, un petit truc modeste, ou que dans la plus grande des plus belles des villas au bord de la mer, vous allez à un moment donné manger votre farine ou à un moment donné vous connecter à la joie. Donc ça n'a rien à voir avec, avec l'environnement. Hein. Quand je dis ça n'a rien à voir, c'est-à-dire qu'on est conditionné par notre environnement, mais ce qui est important, c'est notre propre conditionnement interne qui va faire que je vais vivre en harmonie avec mon environnement. Donc je suis pleinement responsable. Voilà, le titre de cette, qui m'a été donné, le titre de cette conférence de ce soir, c'est vraiment accueillir cette responsabilité. Parce que sinon, je peux me plaindre toute ma vie et être insatisfait toute ma vie de tout. Et à la fin de ma vie, qu'est-ce qu'il y a à la fin de ma vie? Parce que j'ai eu la chance d'acheter une baraque, d'avoir une bagnole, un super job, marié, des gamins. C'est ça la réalisation. Et puis si ça je ne l'ai plus à la fin parce que forcément à 80 balais, ben, j'arrive plus à conduire, je peux plus entretenir ma maison, je termine dans une maison de retraite, mes gamins ils se sont barrés, ma femme elle est plus là, elle est partie avec un autre, ben, toute ma vie j'aurais lutté pour quelque chose qui au final tout ça, eh ben c'est pas ça la réalisation. Ça c'est le confort de vie, c'est différent. Qui peut être aussi de l'inconfort, c'est la notion de désir-plaisir. L'harmonie entre les êtres se fait à partir d'une réalisation. Donc à partir de la compréhension de l'ego et de comment l'ego se manifeste et comment je peux lâcher cet ego pour pouvoir justement créer la fluidité entre toutes ces énergies qui naissent et qui meurent. Et là, ça devient passionnant, la vie. Sinon, je n'arrête pas d'essayer de trouver des stratégies et pourquoi il m'a dit ceci et pourquoi cela et pourquoi je souffre et pourtant lui m'a dit ça. C'est infini le truc. Mais si c'est ce qui vous fait du bien et c'est ce qui vous fait vibrer, bah, c'est tant mieux. Il n'y a pas de souci avec ça. Chacun fait ce qu'il peut dans son existence. Maintenant, si vous êtes là, c'est pour écouter des pistes qui peuvent peut-être vous faire réfléchir et c'est intéressant de s'ouvrir à cette réflexion. Pour expérimenter autre chose. Juste expérimenter, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est une option confortable. Hein, ça ne vous fait pas changer de voiture, vous rajoutez la clim dedans, c'est plus agréable quand il fait très chaud. Réversible si possible, parce que comme ça, quand il fait très froid, vous avez le chauffage. Donc c'est une super option. Ok les amis, hein? Donc n'oubliez pas ça, c'est important. C'est important de mettre ça sur votre cahier. C'est important d'y réfléchir. C'est important d'essayer de concevoir, de se concevoir différemment. Et pour se concevoir différemment, déjà, il est juste de se concevoir tel que je suis, dans mes contractions, dans mes ouvertures de cœur, dans mes qualités, dans toutes ces choses-là. Hein? Voilà. Hein? Et là, je vais peaufiner ce tableau. Hein, qui est le mien. Et à partir de ça, je vais essayer de rajouter des ingrédients qui vont me permettre d'aller vers cette fluidité.